face à l'ombre. Nous devons arrêter le travail. Mon sang grandit, peut-être pathologique. Mon sang grandit, peut-être pathologique. Plage de paradis, je veux rêver. Plage de paradis. Sur cette